Madame la mort, je ne suis pas pressé d'être au matin du jour prochain. Vous vous déplacerez pour moi. Si vous pouviez d'ailleurs vous tromper, je ne sais pas, sonner à d'autres portes qui n'attendent que ça. Vous savez comme moi que nombreux sont les pauvres gens qui n'ont d'espoir dans la vie que d'en finir. Il serait égoïste et injuste de priver ces malheureux de cet unique et grand plaisir. Pachamama se pone a llorar, acompáñame a levantar. Ese ánimo es ponte a luchar. Yo me niego a aceptar la muerte. No me digas que no puede ser, porque insisto y me niego a creer que esta vida sea vida y que hay que aprender a aceptar la muerte. Madame la mort, il nous en faut du courage à nous autres pour traverser ta chienne d'amis. Pour faire un jour au temps qui passe, pour affronter la vie en face, il faut une sacrée dose d'envie. J'ai beaucoup d'admiration, je ne cache pas, pour ceux qui sont tombés pour leur cause au champ d'honneur. Mais vivre vite et mourir vieux est pour moi un bon compromis. Je vous le chanterai sur l'heure. Pachamama se pone a llorar, acompáñame a levantar. Ese ánimo es ponte a luchar. Yo me niego a aceptar la muerte. No me digas que no puede ser, porque insisto y me niego a creer que esta vida sea vida y que hay que aprender a aceptar la muerte. Madame la mort, ne vous vexez pas, vous n'êtes après tout que chose de naturelle. Même si les dictateurs et les papes, on semble-t-il, dépassent droit sur les autres mortels. Mais que pensez-vous de ces assassins en cravaté qui disent vous avoir pris sous tutelle? Qui du haut de leur trône pensent connaître assez du bien et du mal pour en tirer les ficelles. Pachamama se pone a llorar, acompáñame a levantar. Ese ánimo es ponte a luchar. Yo me niego a aceptar la muerte. No me digas que no puede ser, porque insisto y me niego a creer que esta vida sea vida y que hay que aprender a aceptar la muerte.